sans motif. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. La vie nous fait du mal quand les soucis nous font défaut. Une envie de se faire la malle, on est tous comme des fous. Ça se marche dessus pour atteindre la plus haute marche. Là-bas, des sous, en laisse trop dans la marge. Y'en a marre de pointer aux ascétiques. On rêve tous de bord de merde, d'une plage d'un port et de ses docks. Fantasme, on m'a dit, bah ouais, on fait que ça. Je m'endors à des heures tardives pour ne pas rêver qu'à ça. Je ne demande pas la fortune d'un millionnaire, mais je veux pas entendre papa dans ma chambre, il fait froid l'hiver. Trop douloureux d'expliquer à tes gosses que le chauffage est onéreux, que le chômage est aussi féroce. Découragé, je le suis sans doute un peu. À l'école mal encagé, la bonne sortie je l'ai loupée. C'est dur de se dire que les erreurs de mes 16 ans d'un handicap vont m'affaiblir peut-être jusqu'à 70 ans. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. Tu sais que la vie est raide, mais moi j'y crois et je persévère. Je sais qu'un jour j'aurai le remède et depuis j'améliore mes vers. C'est pour mes proches et tous ceux qui m'ont vu grandir. De ma famille à tous mes potes, pour le meilleur et pour le pire. Ouais, à ces soirées à quatre, seul au monde sur un banc. À compter les étoiles, refaire les gens tant qu'on est là, tant qu'on a le temps. Pour un ami si cher qui m'a donné la force d'avoir des couilles quand c'est la merde et de comprendre qu'à 16 piges j'étais plus un gosse. À ces bâtards qui m'ont mis des bâtons dans les roues. Je me suis relevé, ça m'a forgé, depuis j'avance, maintenant c'est coup pour coup. Je vis dans un bled qui fait juste 4000 habitants. La nature me réconforte quand mon moral me lâche bien trop souvent. C'est pour ma puce qui a eu le courage de me supporter. Pour ma petite femme qui m'a soutenu quand parfois j'avais mal à en crever. Pour ma frangine qui prend soin de moi depuis 20 ans. Va offrir le plus beau cadeau tombé du ciel qui s'appelle Tom. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. Nos phases, noyé dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. C'est pas très étonnant si je suis d'un pessimiste. L'humain ne s'habitue pas très vite quand la pessimiste vers terre s'émisse. Qui ont comme seul critère ton compte bancaire. Et mec, aucun baquet, tous ces fils de pute qui rêvent qu'on m'enterre. Donner ma terre, loin d'être aussi belle que Sharon. L'homme est un loup pour l'homme en 2007, même les chagrones. A rien me chagrine, ça va des pleurs ma mère aux choses futiles. Et sur la vie de ma mère que je baisserai jamais mon futal. Fatal est la femme lorsqu'elle s'infiltre entre tes deux poumons. Cette vie m'étouffe. Comprends-tu pourquoi j'ai deux trous? Moi je suis paumé, la vie de recherche n'est pas nécessaire. Je donne plus beaucoup d'amour, peur que tes fils de pute ne se servent. C'est maladif d'écrire, laisse couler le son le long du cathéter. Je sais pas si tu fais rien, tu parles trop, t'as qu'à te taire. J'ai mon caractère et j'ai signé pour en chier. À croire que c'est dans les gènes pour ceux qu'on vu leur père en chien. Noyé dans la mélancolie, peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps. Nos phases, noyées dans la mélancolie. Peur que l'avenir soit naze, on regrette notre passé d'écolier. Encore un featuring, mais celui-ci sort bien du cœur. L'écriture m'écarte du mal, mon ange gardien n'est pas un quart du corps.